Section 18 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Christiane Johann. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Formation des grands États, 1270-1492. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 5. La civilisation française au XIVe et au XVe siècle. 1270-1493. Première partie, les lettres. Sous-partie A, XIVe siècle. Par Louis Petit de Jullouville. Caractères généraux. Après la mort de Saint-Louis, 1270, beaucoup de choses changèrent en France. Mais nulle part le changement ne fut aussi brusque, aussi profond que dans la littérature et dans la poésie. Jusqu'à la fin du XIIIe siècle, le caractère le plus saillant qu'offre l'histoire littéraire, c'est l'impersonnalité des œuvres. D'une chanson de geste à l'autre, la différence ne semble pas tenir à l'auteur. Anonyme ou connu, il ne paraît jamais dans son poème. La plupart des trouvères lyriques ne se distinguèrent entre eux. Le style n'existe pas encore en tant que marque individuelle. Au contraire, dans la période que nous allons étudier, la personnalité des écrivains commence à s'accuser. Leur physionomie se dessine et leur caractère se précise. Nous saisissons un rapport de l'œuvre avec son auteur. L'inspiration de collective devient particulière. Durant les premiers siècles, elle ressemblait à un courant que tous suivent et qu'aucun ne crée. Au XIVe siècle, au XVe, l'histoire littéraire met en relief des hommes distincts, pensants et agissants. Ce n'est pas à dire que l'œuvre littéraire de la dernière époque soit en tout supérieure à celle de la première. Loin de là, il y a plus de fraîcheur et de vivacité, plus d'originalité naïve et de poésie sincère, dans l'inspiration collective et plus ou moins anonyme du XIIe siècle que dans les écrits plus personnels et plus réfléchis du XIVe ou du XVe. Surtout la langue tombe en décadence. Pendant que l'Italie plus heureuse enfantait Dante, Pétrarque et Boccace, en France aucune œuvre de génie ne vit le jour qui eût pu fixer la langue d'oeil dans la mesure où se fixent les langues vivantes, c'est-à-dire en ralentir le mouvement trop rapide, en assurer les principes essentiels. Cet idiome excellent commence à s'altérer vers l'époque de l'avènement des Valois. Il se désagrège rapidement, oublie ses règles fondamentales, laisse tomber sa déclinaison à deux cas. Il s'ouvre à une invasion confuse de mots et de tours latins. Il perd beaucoup de son harmonie, de sa belle et simple ordonnance, enrichi et même encombré d'un grand nombre de mots savants. Il se fait plus apte à l'expression des idées abstraites et philosophiques. La pensée s'enhardit, devient plus large et plus variée par la diffusion plus étendue des moyens de savoir, par la création de nombreux collèges. 22 collèges sont fondés à Paris seulement entre 1302 et 1354, par l'immense travail des traducteurs qui font passer en français un grand nombre d'auteurs anciens. Mais la poésie et la littérature proprement dite profitent peu de ces conquêtes. Fin des chansons de geste. Dès la fin du XIIIe siècle, l'inspiration héroïque d'où étaient nées les chansons de geste semble définitivement tarie. Dans le moule, devenu banal, on jetait encore d'interminables récits, pures redites des poèmes anciens ou fastidieuses compilations comme ce Charlemagne de Girard d'Amiens, rimé sur commande pour Charles de Valois, frère de Philippe le Bel. Les moins ennuyeuses parmi ces épopées tardives sont celles où, pour réveiller le succès, on s'avisa de prodiguer la satire contre tout ce que l'ancienne chanson de geste avait exalté, la noblesse, le clergé, les femmes. Tel est Baudouin de Sebourg. Mais il y a dans une telle œuvre plus d'insolence que de véritable originalité. On oserait la comparer avec le Roland furieux, dont elle est toutefois comme un premier type par ce mélange d'héroïsme et de raillerie, par cette exubérance d'invention merveilleuse, dont l'auteur lui-même se moque tout le premier. mais il manque à Baudouin de Sebourg l'art charmant de l'Arioste, et surtout son style. Une tentative analogue inspira la chanson de geste de Hugues Capet pour flatter la bourgeoisie, puissance nouvelle, en lui donnant à croire que le fondateur de la dynastie capétienne était le petit-fils d'un boucher. Vers le même temps, Dante recueillait dans son purgatoire cette fable ridicule. Elle ne vaut pas à l'honneur d'être discutée, mais l'apparition d'un tel poème, coïncidant avec la réunion des premiers états généraux, où les bourgeois parurent entre les nobles et les prélats, est un fait intéressant et montre que des esprits hardis concevaient déjà nettement la politique que les rois de France allaient suivre en s'appuyant si souvent sur le tiers-état contre l'Église et contre les nobles. Mais on n'a jamais rajeuni l'épopée en la mettant au service d'un système politique. L'essai qu'on fit au XIVe siècle pour chanter sur le mode épique des héros et des événements contemporains, le combat des Trente, Bertrand du Guesclin, eut encore moins de succès. Quand une formule est devenue banale, elle est incapable de rendre avec force un sentiment même sincère et vrai. L'épopée en était là. Le moule traditionnel était usé. Il y avait encore de la vaillance, mais ce sont les poètes qui manquaient aux héros. Toute génération d'hommes est sans doute capable d'héroïsme, mais non de poésie héroïque. Jeanne d'Arc, le plus merveilleux sujet d'épopée que le monde ait vu, ne suscitera pas d'épopée. Drame, les miracles. Le théâtre, au XIVe siècle, n'a pas encore la popularité, l'importance sociale dont il devait jouir au siècle suivant. Nous avons seulement conservé de ce temps des miracles dramatiques où l'on mettait en scène un événement merveilleux, d'ordinaire attribué à l'intercession de la Vierge Marie. Les sujets très variés de ces miracles ne sont pas originaux. Les auteurs ont puisé à diverses sources, évangiles apocryphes, légendes des saints, chansons de gestes, romans d'aventure, recueils latins ou français de faits surnaturels. Le cadre est souvent historique. Les détails sont presque toujours fictifs. Les époques les plus variées sont travesties dans le costume et dans les sentiments du XIVe siècle selon la loi uniforme des littératures naissantes. Cet anachronisme perpétuel profite à notre curiosité. Une foule de détails précis et frappants, disséminés dans ces pièces, sont le fruit d'une observation exacte des mœurs du temps et nous renseignent ainsi fort utilement sur cette partie obscure, très humble et toute privée des existences humaines que l'histoire, surtout au Moyen-Âge, ne daigne pas souvent nous révéler. Mais rien n'est plus frappant dans les miracles dramatiques que le curieux contraste d'une dévotion mystique portée quelquefois jusqu'à une exaltation troublante et d'un réalisme populaire ou bourgeois qui tombe à tout moment dans l'extrême trivialité. Les âmes des personnages s'exaltent maladivement jusqu'à des hauteurs trop sublimes et lourdement retombent dans la bassesse d'une vie terne et décolorée. Si ce théâtre est l'image du temps, il accuse vivement l'état troublé des imaginations. Les sujets, presque tous étranges et douloureux, sont plus anciens que le XIVe siècle. Mais pour que le spectateur ait trouvé plaisir à les voir représentés devant eux, il faut qu'il y ait eu quelque rapport entre la disposition des âmes et la tristesse profonde de ces drames. On remarquera que les miracles dramatiques semblent avoir été représentés exclusivement dans ces réunions semi-littéraires et semi-religieuses qu'on appelait des puits, devant un auditoire pris surtout dans la bourgeoisie. L'aristocratie ne se souciait pas de ces assemblées. Elle eut médiocrement goûté ce théâtre, à la fois mystique et enfantin, où elle n'eut pas retrouvé trace des mœurs élégantes dont elle raffolait. Ses poètes favoris composaient pour elle des ballades, des rondeaux, des laits. La mode était à ces genres nouveaux, ou plutôt renouvelés, que le chant et la musique rendaient très propres à charmer les fêtes de cour et les réunions mondaines. Poésie lyrique. On sait qu'elle avait été l'incroyable fécondité du XIIe siècle et du XIIIe dans la poésie qu'on nomme habituellement lyrique, bien que ce nom ne convienne guère aux chansons du Moyen-Âge et convienne encore moins aux odes et aux stances des poètes modernes. On avait vu éclore par milliers ces pièces courtes et chantées où le trouvère exprimait ses sentiments personnels et surtout les subtilités de l'amour courtois. nous savons les noms de plusieurs centaines de trouvères. Et combien avons-nous de chansons anonymes ? Près d'un millier. Combien d'autres sont perdues ? Certainement beaucoup davantage. Cette abondante floraison lyrique s'arrête tout à coup à la fin du XIIIe siècle. Les grands seigneurs avaient longtemps protégé les chansonniers et plusieurs, parmi les comtes et même les rois, s'étaient fait honneur de composer eux-mêmes des chansons. Cette faveur cessa brusquement. La poésie lyrique, au commencement du XIVe siècle, était tombée dans un discrédit complet. Si elle revint à la mode, avec le règne des Valois, ce fut en se transformant tout à fait, dans son style, dans son esprit et dans l'accompagnement musical dont elle n'était jamais séparée au Moyen-Âge. « Vrai, dit Étienne Pasquier, que comme toute chose se change selon la diversité des temps, aussi après que notre poésie françoise, fût-ce démourée quelques longues années en friche, on commença d'enter sur son vieux tige certains nouveaux fruits auparavant incongneux à tous nos anciens poètes. Ce furent chants royaux, ballades et rondeaux. Il y faut joindre le lait à 12 strophes, très différent du lait romanesque et narratif, librement rythmé, qui avait fleuri dans l'âge précédent. Le caractère saillant de la poésie lyrique au XIIe siècle et au XIIIe avait été la variété infinie des rythmes. Chaque trouvère inventait les siens et se faisait honneur de n'employer pas deux fois le même. On eût rougi d'emprunter les rythmes d'un rival. On se faisait beaucoup moins de scrupules de copier ses idées et ses sentiments. Mais à la longue, on se lassa d'inventer sans fin des rythmes nouveaux, et le goût des cadres fixes remplaça brusquement celui des formes changeantes. L'originalité du fond n'y gagna pas toujours. Mais toutefois, on peut dire d'une manière générale que Guillaume de Machaut, Froissart, qui fut poète aux yeux de ses contemporains, autant que chroniqueur, Eustache Deschamps, Christine de Pisan, Alain Chartier, Charles d'Orléans, Villon, nous ont laissé des œuvres poétiques plus personnelles que celles de Conon de Béthune ou du Châtelain de Coucy, de Gaz Brûlé ou de Thibaut de Champagne. Ce n'est pas à dire qu'ils fussent supérieurs à leurs prédécesseurs par la science du rythme et de la langue, le contraire serait plutôt vrai. Guillaume de Machaut. Guillaume de Machaut, qui attacha son nom à cette réforme des cadres lyriques, ne fut pas l'inventeur du chant royal ou de la ballade, mais il les illustra le premier. Ce poète, champenois de naissance, demeura 30 ans au service de Jean de Luxembourg, roi de Bohême, jusqu'à la mort de cet aventureux chevalier sur le champ de bataille de Crécy. Quoiqu'il eût suivi son maître à travers toute l'Europe, dans les hasards d'une vie singulièrement accidentée, Guillaume de Machaut n'a presque rien laissé passer dans son œuvre des souvenirs de ses voyages. Les poètes et les romanciers de notre temps sont bien plus vivement frappés qu'on ne l'était au Moyen-Âge de différents aspects de l'humanité, selon les temps et les lieux différents. Guillaume de Machaut a écrit beaucoup de vers, et la postérité, qu'il oublia de bonne heure, n'en a retenu qu'un bien petit nombre. Il a dédié des poèmes d'amour au roi de Bohême et au roi de Navarre, Charles le Mauvais. Il a écrit le « Confort d'amis », longue épître de conseils et de consolation adressée à ce dernier prince, alors prisonnier du roi Jean, son beau-père. Il a exposé dans son poème intitulé « La guerre d'Alexandrie » la vie aventureuse de Pierre de Lusignan, roi de Chypre. Son ouvrage le plus personnel est « Le voir dit » ou « Histoire vraie », roman en vers où il a raconté ses amours à peu près platoniques avec une jeune fille noble qui s'était éprise de lui, sexagénaire et goûteux, sur le seul bruit de sa renommée. Les curieux de psychologie raffinée liraient encore avec plaisir cette singulière composition où l'on croit voir un reflet de Pétrarque, une sorte de canzoniere champenois. Eustache Deschamps. Eustache Deschamps, né en Champagne comme Guillaume de Machaut, dont il fut le disciple, quoique moins poète que son maître, est demeuré plus célèbre. Très mêlé aux événements et aux hommes de son temps, tour à tour messager royal, huissier d'armes de Charles V, puis de Charles VI, gouverneur de Fismes, bailli de Senlis, il acquit dans la pratique du monde une grande expérience. Mais le sentiment poétique ne s'acquiert pas. Eustache Deschamps n'est pas, à vrai dire, un poète. C'est un homme d'esprit qui a fait quantité de vers, dont beaucoup sont rimés agréablement. Il excelle parfois, mais c'est dans les sujets qui demandent plus de finesse et de malice que de poésie. Il a écrit de jolies fables. Les nombreuses fonctions qu'il occupa ne parvinrent pas à l'enrichir. Dans 100 ballades, il énumère les difficultés de sa vie. Il avait l'humeur chagrine et incommode. Marié, il se plaint amèrement de sa femme, qu'il trouve sotte, criarde et dépensière. Père de 2 enfants, une fille et un fils, il juge fort mauvais qu'il ait fallu doter l'une, établir l'autre à grands frais. Sa mauvaise humeur contre son propre ménage a rejailli sur toutes les femmes. Son poème inachevé, sa mort l'interrompit, le miroir de mariage, est peut-être le meilleur de ses ouvrages parce que son talent était avant tout satirique. Il y passe en revue, avec une verve un peu lourde, tous les défauts féminins. L'énumération est prolixe, mais beaucoup de traits sont bien observés, naïvement comiques. Eustache Deschamps a laissé, outre le miroir de mariage, 1500 ballades, chants royaux, rondeaux, lais et virelais. Il a fait des vers d'amour pour se conformer à l'usage. C'est la moindre partie de son œuvre. Son originalité est ailleurs. Ses poésies historiques présentent bien plus d'intérêt. Ce n'est pas qu'elles n'offrent au plus haut point le défaut dont Eustache Deschamps sut rarement se préserver. Elles sont presque toujours prosaïques, visant à la précision, mais ne l'obtenant qu'aux dépens de la poésie. Au reste, curieuses par cette précision même et par leur nombre. Si on les classait comme de vrais documents dans l'ordre chronologique, on verrait Eustache Deschamps poète officiel de la France et de la dynastie régnante, comme plus tard Malherbe, sous Henri IV et Louis XIII, célébrer un à un tous les grands événements heureux ou malheureux qui intéressent l'histoire nationale, et consigner aussi, dans cette sorte de journal en vers, les accidents de la vie des rois et des princes, même des simples seigneurs, naissances, mariages ou morts. Il est l'historiographe poétique, ou du moins rimé, du roi et du royaume pendant près de 40 années. Toutefois, les pièces morales et satiriques font plus d'honneur à Eustache Deschamps. C'est là seulement qu'il est quelquefois poète et montre un esprit original ou du moins personnel. Il a été un observateur attentif et un peintre exact, quoique malveillant, des mœurs de son siècle. Profondément pessimiste, il est bien convaincu que le monde est mauvais, qu'il l'a toujours été, mais qu'il se corrompt de plus en plus, tant qu'on en peut déjà prévoir la fin prochaine. Le mauvais exemple tombe de haut. Nobles et prélats ne cherchent que leur plaisir. Les sages et les savants sont méprisés. La France est en proie à des financiers qui la dévorent. À lire Eustache Deschamps, on croirait le règne de Turcaret commencé. Il ne fait pas plus grâce aux gens de guerre dont il flétrit, en termes virulents, l'avidité, les pillages. Comment s'expliquer cet âpre accent de profonde rancune contre la vie et contre les hommes? Par la contradiction qui pesa sur son existence tout entière. Il était fait pour goûter la vie privée, libre, aisée, facile. Il fut condamné par les circonstances à une vie de cour, besogneuse et incertaine. Il s'en vengea en médisant de ses contemporains, de leurs vices, de leurs ridicules. Lui-même, de son propre aveu, leur sembla souvent un censeur incommode et pesant. Il y avait incompatibilité d'humeur entre lui et son milieu. L'histoire, Froissart. Quelle différence avec Froissart, qui, juste à la même époque, ne cesse de louer Dieu pour l'avoir fait naître en un siècle si merveilleux, où, en 50 ans, il s'est fait de plus beaux exploits que dans tout le reste de l'histoire. D'où vient le plaisir intense que Froissart trouve à vivre dans le même temps et dans la même société qui n'inspire à Deschamps qu'un profond dégoût? C'est que Froissart se soucie peu des vices de son siècle, à condition que ce siècle offre à ses yeux de spectateur un tableau amusant, varié, pittoresque. À sa plume d'historien, une matière féconde. Deschamps n'a pas cette complaisance d'artiste, et dans ce sens, le plus poète des deux, c'est le prosateur. Il est vrai que Froissart lui-même a commencé par être un poète, et que ses protecteurs n'ont pas moins goûté ses vers que sa chronique. Jean Froissart était né à Valenciennes en 1337. Sujet du comte de Hainaut, il était par sa naissance également indépendant des deux grandes puissances rivales, la France et l'Angleterre. Mais ses premiers protecteurs appartenaient au parti anglais. La reine d'Angleterre, Philippa, femme d'Édouard III, était fille du comte de Hainaut. Froissart devint son secrétaire et vécut près d'elle à Londres pendant 6 années. Il était alors estimé pour son talent poétique. Il fit beaucoup de vers, tous gracieusement rimés, mais faiblement originaux, si l'on excepte les poèmes où il a raconté sa jeunesse et ses premières amours, en mêlant sans doute un peu de roman à la vérité. L'accent, que les faits soient vrais ou non, paraît sincère. Les détails sont vifs et piquants, et cette autobiographie poétique se lit encore avec intérêt. Toutefois, sa gloire est ailleurs. Il n'avait que 23 ans lorsqu'il offrit à la reine d'Angleterre son premier livre d'histoire, le récit de la guerre de France depuis la bataille de Poitiers jusqu'à l'année 1360. Encore ce premier essai de la future chronique était-il écrit en vers, selon une tradition ancienne, et que Froissart ne conserva pas le dernier. 7 ans plus tard, Guillaume de Machaut écrivait encore en vers la vie de Pierre de Lusignan, roi de Chypre. Mais Froissart, mieux inspiré, comprit bientôt que la vraie langue de l'histoire est la prose. Et sans renoncer au vers, qu'il cultiva jusqu'à la vieillesse, au grand plaisir de ses nobles protecteurs, il résolut du moins d'écrire sa chronique en prose. Le dessin de ce vaste ouvrage fut sans doute conçu de bonne heure. Mais avant de le rédiger, il voulut voyager, s'instruire de l'histoire auprès de ceux qu'il avait faite. Il vit successivement l'Angleterre, l'Écosse, les Flandres, la Bretagne, la Guyenne, Paris, la Savoie, l'Italie. Il venait de rentrer à Valenciennes quand il apprit la mort de la reine d'Angleterre, dont les largesses lui avaient permis ses longs voyages. Il s'attacha au duc de Brabant, Wenceslas, entra dans l'église et devint curé des Estines, où il séjourna 10 à 12 ans. C'est là qu'il acheva et révisa le premier livre de sa chronique, de beaucoup le plus étendu des 4. Reprenant l'histoire de la France et de l'Angleterre, depuis l'avènement d'Édouard III et de Philippe VI, il la conduisit jusqu'en 1380. Le récit des 40 premières années doit beaucoup aux chroniques de Jean le Bel, chanoine de Liège, mort en 1370. Excellent modèle dont Froissart n'a pas craint de s'approprier la manière en la perfectionnant et d'emprunter des pages entières à peine modifiées. Lui-même n'a pas caché ses emprunts que l'opinion en ce temps-là voyait sans nulle défaveur. Toutefois, à mesure que Froissart avancera dans la composition de son livre et reprendra son texte en se corrigeant, devenu plus fier par le succès, il s'efforcera de se dégager de plus en plus de l'imitation de son maître. Quand Wenceslas mourut en 1383, Froissart quitta les Estines et devint chapelain de Guy de Blois et plus tard chanoine de Chimay. Il reprit alors ses voyages. On le voit tour à tour dans le comté de Blois, en Flandre, en Auvergne, en Béarn, à Tarbes, à Toulouse, à Avignon, à Lyon, à Riom, à Paris, où il assiste, le 20 août 1389, à l'entrée solennelle d'Isabeau de Bavière. En Hollande, en Angleterre, où il voulut aller voir le petit-fils de sa bonne protectrice, Richard II. Il l'avait vu naître à Bordeaux le 6 janvier 1367. Et le maréchal d'Aquitaine lui avait dit ce jour-là, saluant le premier sa gloire future d'historien, Froissart, écrivez et mettez en mémoire que Madame la princesse, de Galles, est accouchée d'un beau-fils, qui est venu au monde le jour des rois. Peu d'années après le voyage d'Angleterre, il apprit la déposition de Richard II et bientôt sa mort mystérieuse. Le récit de cette catastrophe termine la chronique de Froissart, 1400. Lui-même mourut quelques années plus tard. La date exacte de sa fin n'est pas connue. Cette vaste chronique, note, le second livre de la chronique, 1378-1385, avait paru vers 1389. Le troisième embrasse les années 1385-1388. Le quatrième livre s'étend de 1388 à 1400. Fin de note. Est resté, pour ainsi dire, sur le chantier tout le temps qu'a vécu Froissart. il n'a cessé de la reprendre et de la modifier. Le premier livre a été refait plus ou moins 4 fois. Longtemps, on a expliqué ces changements incessants par la nécessité de plaire à des patrons successifs, les uns du parti anglais, les autres attachés à la France. Un examen plus attentif des textes, et surtout de la vie de Froissart, démontre que cette explication est fausse, au moins dans la plupart des cas. Froissart eut de tout temps des protecteurs et des amis dans les deux camps, et ne fut lui-même d'aucun parti. Froissart n'est ni anglais ni français, il n'est à bien dire d'aucune patrie. Sa patrie, c'est la chevalerie, dont il aime passionnément la gloire et dont les exploits l'émerveillent, quel que soit le pays des héros qu'il met en scène. Il se peut qu'il ait été d'abord un peu plus favorable à l'Angleterre, au temps glorieux d'Édouard III et du prince de Galles, et ensuite plus favorable à la France par admiration pour la sagesse et l'habileté de Charles V et la vaillance de Du Guesclin. Mais ce penchant, qu'on pourrait même contester, n'altéra jamais son impartialité, qu'on peut d'ailleurs ne pas admirer, car elle ne coûte à rien à son indifférence. Il faut donc chercher ailleurs l'explication de ces variantes infinies. Je crois la voir, sans plus de mystère, dans le plaisir toujours renaissant que Froissart trouvait à écrire, à compter sans fin. D'autres corrigent péniblement d'une édition à l'autre. Il aimait mieux tout refaire. Tel un peintre, au lieu de retoucher un paysage, le refait une seconde fois en choisissant un autre point de vue. Tel un conteur aisé répète autrement la même histoire qu'il dédaigne d'apprendre par cœur. Froissart est un artiste et un poète, même dans sa prose. Il faut le juger ainsi, ou risquer de le mal juger. Personne, il est vrai, ne fait de réserve sur son talent de peintre et d'écrivain. Quoique Froissart ait écrit à une époque où la langue française traversait une période fâcheuse de décadence et de décomposition, son style est admirable. Il a fait un usage merveilleux de cet instrument imparfait. Il est impossible d'être plus naturel, plus facile, en même temps plus pittoresque et plus coloré, même au besoin plus pathétique et plus émouvant. Il obtient les effets les plus variés sans effort, sans procédé sensible. Tout le monde lui reconnaît ses mérites. Mais plusieurs ont taxé sévèrement l'insuffisance de sa morale et surtout ses nombreuses erreurs historiques. Froissart paraît n'avoir presque jamais consulté les documents écrits, les pièces de chancellerie et d'archives. Il écrit sur le témoignage direct des témoins ou des acteurs du fait qu'il raconte. Mais acteurs et témoins ne sont pas toujours impartiaux, ni même bien informés. Ce procédé exclusif qu'il a tant aidé à mettre de la vie dans tous ses récits y a laissé certainement glisser beaucoup d'erreurs. Mais quel que soit le nombre des inexactitudes chez Froissart, il est une vérité supérieure qui éclate dans l'œuvre entière. Froissart a vu merveilleusement la société de son temps, surtout la société chevaleresque et militaire. Il l'a fait revivre dans sa chronique, avec une intensité de vie incomparable. Les erreurs peuvent être nombreuses, et si l'on veut, innombrables. L'impression d'ensemble est juste autant que profonde. Aucun chroniqueur n'avait su, avant Froissart, embrasser dans un vaste tableau l'aspect d'une société tout entière. Peu d'historiens après lui ont eu ce rare talent d'évoquer l'image vivante des choses mortes. Dirais-je que ce talent, souverain chez Froissart, excuse un peu ce qu'on a nommé l'insuffisance de sa morale ? Il est vrai qu'il blâme rarement des actions certainement très blâmables, et qu'il semble souvent n'avoir eu qu'une assez faible notion du droit et du devoir. Plein d'admiration pour les prouesses de ses contemporains, il est aussi plein d'indulgence et quelquefois de complaisance pour leurs excès. Mais s'il juge si peu et si timidement, c'est peut-être qu'il a cru que sa grande affaire était de peindre et de raconter. Pour être juge de son siècle, il eût fallu que Froissart fût supérieur à ce siècle. Il ne l'est pas. Il est ce siècle lui-même. Ou plutôt, il en est le miroir fidèle, où viennent se refléter, dans une image animée, vivante et colorée, les grandeurs et les misères, les héroïques folies, les sanglants exploits, les fêtes et les galanteries, les vertus et les vices de la chevalerie, prête à mourir, mais si séduisante encore, dans sa décadence. Froissart est le seul grand écrivain du XIVe siècle. Encore faut-il ajouter que s'il écrit bien, c'est de génie, sans étude et sans réflexion. Qu'on l'en loue si l'on veut, mais de tels maîtres n'ont pas de disciples. Froissart, exquis dans l'invention des mots, indifférent à la façon dont il les forme ou les assemble, ne fit rien pour retarder la décomposition de la langue, ou même y contribua. Les traducteurs. Autour de lui des ouvriers modestes et obscurs, les traducteurs ont eu plus d'action sur le vocabulaire et la syntaxe que beaucoup d'écrivains originaux. Les rois encouragèrent leurs efforts. Tous ces Valois eurent le goût de savoir. Même Jean le Bon, qui n'était pas grand clerc, voulant connaître l'histoire romaine, la fit traduire du latin de Tite-Live par Pierre Berzuire. Vers le même temps, Nicole Oresme traduisit Aristote, non sur le grec, que personne n'entendait, mais sur la traduction latine. On traduisit également Cicéron, Salluste, Sénèque, Suétone, Valère Maxime, Végès. On multiplia les traductions de l'écriture sainte en langue vulgaire, et par cette voie, les mots savants que les traducteurs étaient forcés de créer en grand nombre pour rendre les mots latins qui n'avaient point passé en français commencèrent à pénétrer jusque dans le peuple. Ainsi le siècle regagne un peu dans l'estime de la postérité si, au lieu de lui demander des chefs-d'œuvre littéraires, il n'en a produit qu'un seul, c'est la chronique de Froissart, on s'attache à son œuvre générale, et si l'on veut bien compter pour un résultat déjà acquis, la vive impulsion que reçoivent les intelligences, le goût, ou plutôt la passion de s'instruire qui grandit tous les jours, et l'estime pour les savants qui, en dépit des plaintes d'un moraliste chagrin comme Eustache Deschamps, est visiblement attestée par la faveur des rois et des grands et par l'admiration publique. D'autre part, ce siècle, littérairement peu fécond, coïncide, il importe de le remarquer, avec un grand éclat de notre littérature au dehors. Notre ouvert dans tous les genres, épique ou lyrique, didactique ou satirique, furent en ce temps traduits ou paraphrasés ou imités dans toutes les langues de l'Europe. En italien, en espagnol, en allemand, en anglais et même en norvégien, en islandais. Les littératures nationales n'étaient pas nées encore. L'Europe entière n'avait pour ainsi dire qu'une littérature commune. Et le foyer de cette littérature était en France, où tous les genres étaient nés, s'étaient développés avant que l'étranger ne les empruntât pour les féconder à leur tour. Ces derniers venus nous dépassèrent ensuite avec Dante, Pétrarque, Boccace, Chaucer. Fin de la section 18.